un petit groupe qui neutralise le grand groupe qui veut rien savoir. Mais avez-vous vu le nombre de parents qui embarquent là-dedans dans les rues? Pis puis les politiciens qui embarquent là-dedans, c'est allé très loin. En tout cas, moi, je trouve que en termes de province, là, pis en termes de aussi de valeur vis-à-vis de la jeune génération qui s'en vient, là, vis-à-vis de l'autorité, là. Oh, ça marche pas. Il n'y a pas un plus, beau message de passer. Il n'y a pas. Ça marche pas fort. Puis moi, j'aurais aimé ça avoir des élections, là, où les candidats se respecteraient. Qu'on n'aurait pas des choses. Mais à chaque fois que quelqu'un parle, il parle contre l'autre. Ouais. Comment voulez-vous qu'on apprenne à nos jeunes, là, la valeur de l'autorité? Dire qu'avant, les hôpitaux, ça marchait très bien quand c'était les religieuses qui étaient là, hein? Ouais, ouais. Ça, là, en éducation, c'est sûr... La gestion, c'est un problème, hein, je pense. En éducation, c'est sûr qu'il fallait avoir un changement. Tout était dans les mains du clergé. Puis les hôpitaux, là, ils avaient des moyennes religieuses qui étaient capables de compter.